mukare mba mbiya mongo pe mukare mba adono mukare mba mbiya mongo e Quand tu me trompais, ta famille s'est bien mêlée. Quand tu me trompais, bébé, ta famille s'est bien mêlée au baé. Quand tu me trompais, ta famille s'est bien mêlée. Tu me trompais beauté, ta famille s'est bien mêlée au baé. Le hiton de Baka Mouyo, le bassin à Wanga Bitoué, le mampoula Baka Mouyo, le nom qu'on a coûté à papa au baé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Ma bande bae, Samia Bondolo, Banandolo e ma bande bae.